good night. How I'll hate going out in the storm. But if you really grab me tight, all the way home I'll be warm. Oh, the fire is bon début de soirée et joyeux Noël à toutes et à tous à Gaillon, 18h déjà, et tout de suite un nouveau point d'actualité nationale et internationale. L'essentiel de l'actualité. Bonsoir à tous. Le bilan du tsunami provoqué par une éruption volcanique en Indonésie s'est encore alourdi. Il est désormais de 373 morts, 128 disparus et 1459 blessés selon l'Agence nationale de gestion de catastrophes. La vague a touché samedi soir les côtes méridionales de Sumatra et l'extrémité occidentale de Java, rasant des centaines de bâtiments. Elle est survenue après l'éruption du volcan connu comme l'enfant du légendaire Krakatoa, l'Anak Krakatoa. Les autorités ont prévenu donc les habitants et les touristes des régions riveraines du détroit de la Sonde qui sépare Java et Sumatra de ne pas s'approcher des plages et que l'alerte forte marée restait en vigueur jusqu'à demain. Un homme a été tué ce matin en pleine rue à Aurillac, dans le Cantal, a révélé le quotidien La Montagne. Selon les premiers éléments, la victime, toujours non identifiée, aurait reçu 2 balles de fusil de chasse à bout portant. L'identité du tireur est également inconnue, mais il s'agirait d'une personne seule. Les forces de l'ordre sont à sa recherche, tandis que le boulevard du Pont-Rouge, le lieu du drame situé à proximité du centre-ville, a été fermé à la circulation. Le Premier ministre a affiché aujourd'hui sa détermination à ramener l'ordre après plusieurs centaines de manifestations des Gilets jaunes émaillées de violence à l'issue d'une visite aux policiers prise à partie samedi à Paris en marge de l'acte 6 du mouvement. Ce débat et le fonctionnement de nos institutions exigent un retour à la norme et que cessent les provocations, a-t-il ajouté devant la presse. Une épaisse fumée noire plane dans le ciel sicilien. Le célèbre volcan Etna est soudainement entré en éruption aujourd'hui. Les premières secousses sismiques ont été enregistrées vers 9h. Selon l'INGV, plus de 130 secousses ont déjà été ressenties dans la zone, dont la plus forte a atteint une magnitude de 4 sur l'échelle de Richter peu après 13h. En raison du manque de visibilité, une grande partie de l'espace aérien autour du volcan a été fermée. L'Etna, qui culmine à 3300 mètres, est le plus important volcan en activité d'Europe. Enfin, il s'agira d'un survol historique pour le jour du Nouvel An. Une sonde de la NASA doit survoler Ultima Thule, l'objet céleste le plus éloigné jamais étudié. Découvert en 2014 par le télescope Hubble, il s'agit d'une relique glacée datant des débuts du système solaire. C'est réellement l'objet le plus primitif jamais rencontré par un engin spatial. Les scientifiques ne sont pas sûrs de sa taille, l'estimant environ 100 fois plus petit que la planète naine Pluton, dont le diamètre est proche de 2400 km. Sur la plus normande des radios. Ludo, 17h, 19h. Dans quelques minutes, Daddy Yankee Dura, mais tout de suite Benny Blanco avec Eye for You et joyeux Noël à tous. L'after school d'espace. How can I say what I'm feeling if I don't know how to move? How can I say what I believe in if I only believe in you? I travel many roads. I know what road to choose. Now my world is never changing. There's anything I can do, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you. I found you, 'cause I found you.

à Bradley Cooper à l'instant sur Espace en Normandie Picardie. Joyeux Noël à toutes et à tous. 18h26, maintenant quasiment 5 minutes de son 80 en mode funky mix. Ludo. Ludo. Ludo on the radio. Espace. Espace. Espace. Mmh, oh yeah. Oh, what a night. L'info locale et régionale. Espace. Espace. L'info régionale, Normandie-Picardie. Bonjour à tous. Le plan d'opération interne a été activé sur le site ExxonMobil de Notre-Dame de Gravenchon. Aujourd'hui, l'incendie sur l'unité de vapocracker concernait une fuite d'un liquide utilisé pour refroidir les gaz. La fuite a été maîtrisée, il n'y a pas eu de blessés. Un incendie la nuit dernière dans un hangar agricole de 600 mètres carrés sur la commune de Saint-Aubin-d'Écreville. 250 tonnes de lin sont parties en fumée ainsi que le bâtiment équipé de panneaux photovoltaïques sur le toit. Une vingtaine de sapeurs-pompiers ont été mobilisés. Les flammes n'ont pas fait de blessés non plus. Bloqué par la manifestation des Gilets jaunes au rond-point des Vaches à Saint-Étienne-du-Rouvray, un chauffeur poids lourd bulgare a forcé le barrage dans la nuit de vendredi à samedi alors que certains commençaient à tirer sur les câbles de sa remorque. Le conducteur a été la cible de cailloux et d'une boule de pétanque qui a traversé son pare-brise. Le camion qui a traîné un bout de palette enflammée a été poursuivi par deux véhicules de Gilets jaunes. Le camion dont un des pneus était en feu s'est arrêté peu après le tunnel de la Grand-Mare. Les deux voitures de poursuivants sont reparties et la police est arrivée. Une enquête a été ouverte. Deux commerces de la Malherbe près de Louviers ont été victimes d'un cambriolage la nuit dernière. Les voleurs se sont introduits dans un salon de soins esthétiques et une boulangerie pour y dérober le fond de caisse, soit 150 euros à chaque fois. Selon une étude de l'INSEE, 320 000 enfants normands ont moins de 7 ans, l'âge auquel on peut encore apercevoir le Père Noël. C'est en Seine-Maritime que les enfants de 0 à 6 ans sont les plus nombreux, en tout 122 000. Parmi ces chères têtes blondes, Agathe, 5 ans et demi, à Claville-Motteville, près de Claire. Elle attend qui avec impatience ? Le Père Noël. Qu'est-ce qu'il va t'apporter, tu le sais? Je sais, mais je ne souviens pas de toutes les choses que j'ai commandées. Mais il y en a une, ma préférée, c'est le camion ketchup. Mais comment tu as fait pour lui demander? J'ai fait une lettre. Et il t'a répondu? Oui. Qu'est-ce qu'il t'a dit? Il m'a dit que c'était la plus belle lettre. Et au début de la lettre, il a fait ho ho ho. Est-ce que tu es sûre d'avoir été assez gentille? Oui. Et comment il est, le Père Noël? Il est blanc. Il est rouge et blanc. Et que son visage? Il a sa barbe et on voit que ses lunettes. Et quelle voix il a? Il a la voix de Père Noël. Comment il vient? Par la porte. Et est-ce qu'il vient avec des rennes et son traîneau? Oui, mais les rennes et son traîneau, il m'a fait voir un jour et j'étais tout en haut. Tout en haut, dans le ciel? Oui. On souhaite donc à Agathe et sa famille un joyeux Noël. 10e Noël solidaire de la ville de Rouen ce midi à la Halle aux Toiles. Près de 400 convives, dont 120 enfants de familles démunies, étaient invités à un repas et des animations. Et puis ce soir, pour la 5e année consécutive, à un restaurant de Ménilénard, le Riad invite une centaine de personnes à déguster un couscous et des pâtisseries maison pour rompre l'isolement. Lors de cette soirée, l'établissement organise également une collecte pour un petit garçon de 4 ans atteint d'une maladie rare. Et puis, je vous rappelle que dans l'Eure et la Seine-Maritime, 3 arrêtés préfectoraux ont été adoptés à titre préventif à l'occasion du réveillon. La vente et l'utilisation de pétards et feux d'artifice dits de divertissement sont interdites jusqu'au mercredi 2 janvier. Idem pour la vente de bouteilles ou de bidons contenant des produits chimiques, inflammables ou explosifs. La vente à emporter et la consommation de boissons alcoolisées sur la voie publique sont également prohibées, mais à partir de ce soir 20h jusqu'à demain matin 8h. Vent, pluie, soleil, brouillard, froid, quel que soit le temps, votre confort, c'est JV Service. La météo en Normandie avec Jean Vasseur et toute l'équipe JV Service. C'est une douce nuit de réveillon qui est prévue avec demain une journée de Noël ensoleillée. 5 degrés au meilleur de la journée sur Beauvais, 6 degrés sur Gournay-en-Bray et Gisors, 7 sur Évreux-Louviers, Val-de-Reuil ou encore Vernon, 8 sur Rouen, 9 sur Bernay et 10 sur Pont-Audemer. Bon Noël à tous. Plomberie, chauffage, dépannage, installation, JV Service Louviers, 21 boulevard Joffre, 02 32 59 73 20. JV Service Rouen, numéro Azur, 0821 020 028. Température moyenne 7-8 degrés à l'heure où je vous parle. L'indice de l'air 3, c'est nickel partout. Info at Normandie. On attaque cette nouvelle demi-heure avec Megan Trainor, Sean Paul et Hey DJ. The DJ plays our song so you can find me and dance behind me. Down the line. You love how I dip and wind. With you it happens every time. My body's lonely for you only. Something about you got me sweating, sweating. Baby, I'ma drive you loco, loco. Now you got my body shaking, shaking. Hey. I wanna dance with you all night. Hey DJ, ponme la música que le gusta.

voilà que maman s'en est allée. Ma vie c'est pas la joie, mais je ne vais pas vous en étaler. Le frérot l'a senti, lui a vite préféré d'étaler. Mais bon, je suis grand, moi je ne vais quand même pas chialer. Il m'a dit laisse passer gentiment. Il m'a dit laisse passer simplement. Tout finira bien par se casser un moment. Alors je laisse passer en attendant. Je m'en vais rêvasser. Je sais que les poubelles LOL existent. Je suis trop fort. Cameron à l'instant avec Je laisse passer sur Espace en Normandie Picardie. Joyeux Noël tout le monde. Avant 19h, forcément, nous écouterons ça. À toutes et à tous, 18h53 maintenant, la proc télé de David. L'Immobilière Normande, groupe de 8 agences, 20 conseillers pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90 vous présente votre programme TV. Salut à tous, nous sommes le lundi 24 décembre. Ce soir sur TF1, La Belle et la Bête classique pour un soir de réveillon, bien sûr, hein, vous le savez. Bon, est-ce que les enfants vont regarder, va savoir en tout cas. Je vous rappelle que ce n'est pas un remake de mon ami Bintou et de son camarade Bruno. France 2, La vie secrète des animaux du village. Là non plus, ce n'est pas une soirée spéciale de mon ami le criquet du Gers. Oui, en ce jour de réveillon, j'ai décidé de balancer tous les personnages de la chronique. France 3, Témoin à charge. C'est un téléfilm policier en 4 parties. L'histoire se passe à Londres. En 1923, c'est une riche héritière qui est assassinée. Canal, Vaiana, la légende du bout du monde. Là encore, un film d'animation, ça n'arrête pas ce soir, c'est normal, c'est le réveillon de Noël. Hein. Bon, pour parler d'un autre personnage, nous avons notre ami Stéphane de Bretagne qui la nuit s'habille en bigoudaine en dansant sur du Nolwenn Leroy. C'est sa vie, je ne juge pas, mais la France doit le savoir. Arte, Sayonara, un drame avec Marlon Brando, donc là tu te dis quand même que le film doit être vieux. 1957, et ça se passe durant la guerre de Corée, d'où le Sayonara. M6, classique du cinéma, classique des réveillons de Noël également, hein, Mary Poppins, c'est la version de 1964 avec Julie Andrews, c'est juste génialissime. Le meilleur de la TNT, encore un grand bêtisier de Noël sur C8, TFX, le big bêtisier, NRJ 12, le super bêtisier. Donc, techniquement, il faut aimer les bêtisiers, mais bon, aussi, vous serez certainement en train de vous taper la dinde. Je précise quand je dis en train de manger la dinde, hein, pas de vous taper une dinde. Je vous souhaite à tous un excellent réveillon, les amis, ne picolez pas, surtout si vous prenez le volant, et je veux vous tous en forme demain pour le programme télé. Voilà, c'est terminé. On se retrouve demain à la même heure et bonne soirée télé. C'était votre programme TV avec l'Immobilière Normande, groupe de 8 agences pour vous accompagner dans vos projets immobiliers. 02 32 49 90. Et maintenant, écoutez un titre que vous n'entendez jamais sur Espace. Jamais. Ça va vous surprendre. Mais Ludo est assez fou pour vous le diffuser. À titre perso, je vous souhaite forcément un très très bon réveillon de Noël, mais aussi au nom de toute l'équipe de la plus normande et Picard de les radios. Très belle nuit à toutes et à tous, encore une fois. Et puis je vous donne rencard demain, dès 17h et jusqu'à 19h, pour de nouvelles aventures avec le Père Noël de l'espace. Ciao, à demain, belle nuit.

Toute l'équipe d'Espace vous souhaite un joyeux Noël. Et oui, 19h58, joyeux Noël à tous. Bonne soirée en attendant le Père Noël. Et nous, on fêtera ça sur Espace vendredi soir en direct entre 19h et 21h dans l'Open Show. Voici le grand classique, Petit Papa Noël. La belle nuit de Noël, la neige est dans son manteau blanc et les yeux le...